Et là, c'est l'heure. Comme à toutes les semaines, les jeudis, on reçoit Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang. Salut, Rick. Bonjour, Jean-Philippe. Es-tu fier de moi? Là, j'ai ouvert le micro. Là, ça fait deux, trois fois que tu viens et j'oublie. J'espère que tu m'as amené un petit suçon, un petit collant là, pour me mettre dans le front. Là, je pense qu'on va bien commencer. Là, ça, c'est très bien, ça. Aujourd'hui, on va parler de transition au travail. C'est un programme de la clé. Ouais. Ça aide les jeunes là, de moins de 30 ans là, à les aider à retourner sur le marché du travail. Exactement. En fait, c'est dans le but de développer un certain nombre d'aptitudes et de l'expérience professionnelle pour participer sur le marché du travail. On sait que la majorité des cas, nos jeunes de moins de 30 ans, des fois, se retrouvent avec des obstacles à l'emploi. Ça peut être toutes sortes de défis, seulement des fois à cause du manque d'expérience de travail, toutes sortes de défis qu'ils peuvent avoir, que ce soit physique, mental ou peu importe. En fait, on veut aider au fait, ces jeunes tout simplement à trouver un emploi et où on veut aussi les encourager à retourner aux études pour aller suivre leur carrière de rêve. Mais ce qui amène ces jeunes-là à avoir plus de difficultés à se trouver un emploi, c'est-tu des fois souvent des décrocheurs ou des gens là, qui ont été au secondaire, qui n'ont rien de plus que ça? Ça pourrait être des décrocheurs, effectivement. Ça pourrait être des gens qui n'ont pas forcément réussi au niveau académique. Et il y a toujours plusieurs raisons pourquoi ces gens n'ont pas réussi au niveau académique. Donc, c'est à cause de ça que le programme TAT, au fait, a deux sortes d'aspects. Donc, autant encourager les gens à chercher de l'emploi. Donc, ça peut être aussi ceux qui viennent de graduer, mais au fait, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire un peu plus tard, qui n'ont pas une idée de ce à quoi ils veulent faire réellement. Des fois, il y en a qui prennent, au fait, des années sabbatiques. On a déjà eu des étudiants. Il y en a plusieurs qui font ça. Ils vont dire, on va prendre une année sabbatique. On va aller voyager, découvrir le monde. Entre autres. On verra après. Exactement. Hein? C'est souvent, ça. Les jeunes, je me rappelle, dans l'époque de nos parents, c'était on travaille c'est et tout. Là, rendu en 2018, on veut profiter de la vie, voir le monde et exact. Disons que pour exactement. L'instant, le travail peut attendre. Exactement. Je veux dire, étant donné que on est déjà, je pense, que dans une société, lorsque tout se fait vite, donc peut-être que ces jeunes se disent qu'ils ne veulent pas finir, ils ne veulent pas aller trop vite. Donc, évidemment, on va prendre ça relax, on va profiter un peu de la vie. Donc, évidemment. Et il y en a aussi qui profitent de travailler, au fait, parce qu'ils savent qu'à partir du moment que je m'engage sur le banc, au fait, de l'école, automatiquement, ça va, je ne vais pas avoir le temps de travailler. Donc, les études doivent être faites à temps plein pour réussir, pour avancer un peu plus vite. On connaît à quel point les études sont longues. Ça peut prendre 3, 4, 5, 6, 10 ans. Donc, si on va à l'université, oui, en médecine, oui, ça peut être long, longtemps. Ça peut être très long. On va être assis souvent, souvent sur les bancs de l'université. Logiquement, c'est ça. Donc, c'est soit on va sous des prêts étudiants ou bien, évidemment, on se dit, bon, ben, on va travailler et puis on vit chez les parents. Par exemple, ça, c'est un très grand avantage. Donc, on vit chez les parents et puis on se décide de travailler, ramasser, je ne sais pas, 30, 40, 50 000 dans un an, et automatiquement, ça nous permet de payer une grosse partie des études. Ouais, oui, on travaille à temps partiel, 20, 30 heures par semaine. Alors, souvent, c'est comme ça. Là. Oui, souvent, ça peut être ça, exactement. Pour quelqu'un qui a un plan, tel que hier, justement, j'ai eu l'occasion de parler avec un jeune qui a participé au programme TAT, mais il parlait de son frère qui a eu l'opportunité, au fait, de prendre une année sabbatique, de ramasser assez d'argent, de sorte que quand, lui, il est retourné sur le banc de l'école, il n'a pas eu, au fait, des prêts et bourses. Et tu sais, l'avantage qu'il a eu, c'est qu'à la fin de ses études, effectivement, il n'est pas obligé de rembourser un prêt et bourse comparé à d'autres personnes au fait qui doivent prendre des prêts, qui doivent prendre ce genre de prêts tout simplement pour leur aider là, dans leur c'est un choix études. Personnel parce que si mm-hmm. on décide de prendre des prêts et bourses, ça peut mm-hmm. nous aider à moins travailler, à avoir plus de temps pour nos études. Oui. Et si jamais ben là, on décide de ne pas prendre de prêts et bourses et de travailler, là, disons que pour les 3, 4, 5 prochaines années, mm-hmm. on sait qu'est-ce qu'on va faire de nos journées. Exactement. L'important, c'est de planifier parce qu'on connaît ce slogan ou bien cette phrase qui dit que si on échoue de planifier, on planifie son échec. Donc, évidemment, donc, tout dépend du plan. Tout dépend du plan que ces gens se font. On ne va pas revenir sur l'histoire qu'il y a eu à un moment donné au Québec lorsqu'il parlait de à quel point les jeunes étudiants, ils avaient des voitures qui coûtaient... 30 000, 40 000, ils avaient des appartements de luxe et tout ce qui va avec, mais ils avaient de la misère à payer leurs frais d'études. Je me rappelle, moi, un de mes anciens collègues de travail, il me parlait d'un de ses amis oui. qui allait au cégep et qui se promenait en Infiniti G35. Mm-hmm. Disons que c'est pas une petite tonne de... Exactement. Donc, tu sais, avoir ce genre de... faut avoir des moyens, au fait, pour se permettre ce genre de luxe, d'une certaine manière. Revenons au programme oui. Transition au travail. TAT, ça veut dire transition au travail. Exactement. Ça concerne les moins de 30 ans. Exactement. Qu'est-ce qu'on a pour ces jeunes-là lors de ce programme? OK. Donc, pour expliquer le programme est d'abord sous la tutelle du programme Connexion Compétences. C'est dans la stratégie Emploi Jeunesse. Donc, c'est au fait, c'est subventionné par le gouvernement fédéral. Donc, au fait, ils offrent un soutien financier aux organismes. C'est pour aider les jeunes à surmonter des obstacles à l'emploi et à acquérir, au fait, des compétences et des connaissances pour intégrer le marché du travail. D'accord? Parce que je pense pendant ces six semaines-là, va donner, je pense, le salaire minimum. Oui, exactement. On donne le salaire minimum, effectivement, comme c'est subventionné. Donc, ils ont six semaines, au fait, d'ateliers dans les bureaux de la clé à Berry. Et après ça, c'est 20 semaines de placement, au fait, chez un employeur. Donc, durant les six semaines, au fait, les jeunes ont l'occasion, au fait, de faire face, de se découvrir un peu plus, de continuer à participer à des ateliers qui vont leur permettre de comprendre un peu c'est quoi leurs obstacles. Parce que là encore, on parle des jeunes qui sont là, qui ont un obstacle, qui ont certains obstacles. Ça peut être, les obstacles sont différents. On pourrait rentrer dans les détails, c'est quoi les obstacles, mais les obstacles... De quel sujet au cours de ces six semaines-là on peut parler, entre autres? L'estime de soi, par exemple. Les conflits de génération. Comment être un bon employé. C'est quoi le type de boss, de superviseur avec lequel on doit travailler. Tu sais, parce que beaucoup de personnes, des fois, vont abandonner leur travail à cause de la personne qui les supervise. Oui, des fois, on peut avoir des conflits avec notre employeur parce exactement, que nos caractères et tout. Exactement. Des fois, une divergence d'opinion sur le travail. Voilà. C'est là que, des fois, les gens, justement, font l'erreur parce qu'il peut y avoir une divergence d'opinion, mais ce n'est pas forcément une divergence de personnalité. Donc, des fois, on mélange un peu le conflit de personnalité et le conflit d'opinion. Il faut les séparer totalement. Donc, avoir une opinion différente ne veut pas forcément dire qu'on a une personnalité différente. Et à cause de ça, automatiquement, on ne peut plus travailler ensemble et tout ce qui va avec. Des fois, c'est seulement une vision différente sur le travail en question. Exactement. C'est important d'avoir une vision différente. C'est important, d'après moi, c'est important d'avoir une approche différente par rapport à une situation. Donc, ça, c'est des choses que des fois, les jeunes ne sont pas prêts à faire face. Ils pensent que peut-être que parce que le boss ou le superviseur ou le collègue a une opinion totalement différente, automatiquement, cette personne ne m'aime pas. Oh, je ne peux pas rester ici. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu comme témoignage dans beaucoup des jeunes, au fait. Parler de l'atmosphère de travail n'était pas plaisant pour eux. Tu me parlais d'estime de soi. À quoi ça va être pertinent de parler de l'estime de soi dans le travail? Ben, au fait, déjà, parlons de l'entrevue. Parlons du fait que, au fait, quand ces jeunes vont pour aller chercher un emploi, s'ils n'ont pas une bonne estime de soi, automatiquement, c'est difficile de passer une entrevue. Ils ont déjà deux prises contre eux autres. Exactement. C'est déjà mal parti, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est à cause de ça qu'on va avoir des jeunes qui tremblent avant d'aller dans l'entrevue ou qui ont juste peur, au fait, qui vont rater leur entrevue. Ils sont stressés, au fait, le fait qu'il n'y ait pas cette estime de soi, automatiquement, ça va provoquer des éléments au fait, qui vont tout simplement gâcher l'entrevue. Donc, c'est à cause de ça que, oui, parler de l'estime de soi, c'est très, très, très important. Et au fait, durant les 20 semaines de placement chez un employeur, malgré le fait que nous aidons ces jeunes à trouver un emploi, mais durant les 20 semaines, ces jeunes doivent se mettre en valeur. Parce que le but, à la fin de ces 20 semaines, c'est de s'assurer que ces jeunes peuvent soit obtenir un emploi ou être encouragés, au fait, tout simplement, à retourner aux études et à poursuivre leur carrière dans ce placement-là où ils sont. Donc, évidemment, ça serait bien d'avoir une bonne estime de soi. Donc, ça pourrait permettre, au fait, de se mettre en valeur. L'employeur vous regarde, il vous regarde d'une certaine manière et il veut voir si vous êtes vraiment l'employé idéal pour cet emploi-là. C'est sûr que des fois, quand on a une moins bonne estime de nous, on n'est pas sûr quand on fait un travail, alors ça peut amener à faire des erreurs. Exactement. Aussi. Oui, oui, on fait des erreurs et puis automatiquement, ces erreurs deviennent des horreurs. Donc, pour un jeune, au fait, qui n'a juste pas d'expérience de travail, quand on y pense, faire une erreur, au fait, qui pouvait être une petite chose, mais peut-être qu'il penserait que c'est une grosse affaire et tout ça. Oh, automatiquement, le boss va être fâché contre moi ou quoi que ce soit. Donc c'est important de parler au fait de l'estime de soi. Et ça, on attaque l'estime de soi vraiment dans les premières semaines. Et après ça, on va aborder quoi aussi dans ces six semaines des premières? Dans ces six semaines, il y a plusieurs formations aussi qui sont données. Une fois de plus, on forme des personnes, des candidats qui doivent être prêts pour le marché du travail. Admettons le Smart Serve. Le Smart Serve, c'est en Ontario, c'est important si on veut travailler dans un endroit lorsqu'on donne de l'alcool. Qu'est-ce que le Smart Serve? C'est c'est ça. C'est vraiment c'est le droit au fait de servir de l'alcool. Okay. Et donc, en tant que... Il y a la formation pour les employeurs et aussi la formation, au fait, pour les employés. Donc, les employés doivent avoir... ils doivent avoir ce certificat, ce droit qui leur dit qu'ils ont le droit de donner de l'alcool. Donc, c'est une formation... C'est comme d'autres formations qui sont données, admettons, dans les endroits lorsqu'on vend de la loterie, par exemple. Ça, c'est juste un autre exemple. Mais donc, le SmartServe, ça serait ça qui donnerait la capacité de donner de l'alcool. On a le CPR aussi, donc les soins, au fait, les premiers soins physiques. Le cours de premiers soins. Exactement. Donc ça c'est un exemple, le cours de premiers soins. On a d'autres formations aussi, au fait aussi sur le CV, au fait aussi, on en a parlé déjà. C'est quoi les mots clés à choisir pour mettre sur un CV? Hier j'ai eu une entrevue encore d'un jeune participant TAT à cause des ateliers qu'ils ont eu sur les CV, comment faire un CV gagnant, en fait. Tu serais surpris, l'employeur, au fait, était soulignait les mots clés sur le CV du jeune et disait « Voici ce que je vois de ton CV ». Et automatiquement, le jeune a eu son emploi à cause des mots clés qui ont été choisis sur son CV. On en avait déjà parlé. Exactement. De ça, et on a la capsule sur la page Facebook de CFRH. Exactement. Alors, si vous avez besoin, allez écouter là, la capsule, oui, avec Rick sur l'emploi. Oui. Là, je vais aborder les 20 semaines, oui, en emploi. Là, ces jeunes-là, quand ils sont rendus à intégrer ces 20 semaines-là, est-ce, oui, que c'est vous autres qui leur attribuez un employeur ou ils peuvent choisir, mmh, où ils vont aller travailler? Oui, alors, donc, au fait, durant les 6 semaines de préparation, au fait, aux 20 semaines, les jeunes nous dressent une liste, au fait, d'employeurs potentiels pour lesquels ils aimeraient travailler ou bien des domaines d'emploi pour lesquels ils aimeraient travailler. On essaie d'avoir au moins 6 choix parce qu'on ne sait jamais, le premier peut marcher et... c'est très bien, mais sinon, des fois, le premier ne marche pas, donc automatiquement, on va pour les autres choix. Il est arrivé des cas lorsque, effectivement, certaines personnes vont commencer des placements chez un employeur, mais finalement, que l'expérience n'est pas bonne, automatiquement, nous avons changé d'employeur et l'expérience s'est très bien passée. Donc, des fois, les jeunes savent vers où ils veulent aller, mais ce choix, au fait, change très vite. Le choix qu'un jeune me donnerait dès la première semaine, le choix d'employeur qu'il me donnerait dès la première semaine, change automatiquement à cause des ateliers qu'on fait et plus de découvertes sur soi-même, des choses que nous sommes prêts à faire, les choses que nous ne sommes pas prêts à faire. Plus on se découvre soi-même, au fait, automatiquement la liste d'employeurs change. Donc, ce n'est pas nous qui obligeons, ce n'est pas nous qui donnons, au fait, où est-ce qu'ils vont travailler, mais au fait, ils font ce choix avant et on travaille à partir de ces choix. En terminant, Rick, oui, le prochain groupe commence ce lundi. Exactement. Les jeunes, vous êtes rémunérés au salaire minimum. Tout à fait. Et aussi, je pense qu'il y a un boni de 500 $ à la fin quand vous réussissez. Exactement. TAT. C'est ça. Donc, vous avez 6 semaines, vous êtes payé 20 semaines aussi payés au salaire minimum, bien sûr. Mais oui, effectivement, quand vous réussissez, donc quand vous finissez le programme, effectivement, vous avez un bonus de 500 $ qui peut vous tout simplement vous encourager, au fait, à faire certaines autres dépenses que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire avant. Rick, oui, du Centre de recherche d'emploi de Penetang. Ça commence lundi, TAT. On peut aller sur laclé.ca pour, exactement, plus de détails. Exactement. On peut aller vous voir aussi aux 2 rue Pointe. C'est on ça. Espère qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont participer parce que avoir un travail, c'est important pour tout avoir fait une belle qualité de vie. Rick, on te remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Jean-Philippe.